Chapitre 30 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lupersonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 30 des Cannibales. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au-devant, « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères, mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. Autant en dire les Grecs de celle que Flaminius fit passer en leur pays, et Philippus, voyant d'un tertre l'ordre et distribution du camp romain, en son royaume, sous Publius Sulpicius Calba. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires, et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde, qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France Antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble être de considération. Je ne sais si je me puis répondre qu'il ne s'en fasse à l'advenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trempés en cette-ci. J'ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon introduit Solon, racontant avoir appris des prêtres de la ville de Saïs en Égypte que jadis, et avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, droite à la bouche du détroit de Gibraltar, qui tenait plus de pays que l'Afrique et l'Asie toutes deux ensemble, et que les rois de cette contrée-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient étendus dans la terre ferme si avant, qu'il tenait de la largeur d'Afrique jusqu'en Égypte et de la longueur de l'Europe jusqu'en la Toscane, entreprirent d'enjamber jusque sur l'Asie et subjuguer toutes les nations qui bordent la mer Méditerranée jusqu'au golfe de la mer Majeure. Et pour cet effet, traversèrent les Espagnes, la Gaule, l'Italie, jusqu'en la Grèce, où les Athéniens les soutinrent, mais que quelque temps après, et les Athéniens, et eux, et leur île furent englouties par le déluge. Il est bien vraisemblable que cet extrême ravage d'eau ait fait des changements étranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a retranché la Sicile d'avec l'Italie. Hec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina, dissilui se ferunt, cum protenus utraque tellus una foret. Chypre, d'avec la Syrie, l'île de Négrepont, de la terre de la Béos, et joint ailleurs les terres qui étaient divisées, comblant de limon et de sable les fosses d'entre eux. Sterilisque diu palus, aptaque remis, vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir, car elle touchait quasi l'Espagne, et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé comme elle est, de plus de 1200 lieues, outre ce que les navigations des modernes ont déjà presque découvert que ce n'est point une île, un terre ferme et continente avec l'Inde orientale d'un côté et avec les terres qui sont sous les deux pôles d'autre part, ou si elle en est séparée, que c'est d'un si petit détroit et intervalle qu'elle ne mérite pas d'être nommée île pour cela. Il semble qu'il y ait des mouvements, naturels les uns, les autres fiévreux, en ces grands corps comme au nôtre. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de montant vers la rive droite de sa descente, et qu'en 20 ans elle a tant gagné et dérobé le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire. Car si elle fût toujours allée ce train, ou dût aller à l'avenir, la figure du monde serait renversée, mais il leur prend des changements. Tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous manions les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait d'aucun bâtiment paraît encore. Ses rentes et domaines se sont échangés en pascages bien maigres. Les habitants disent que, depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu 4 lieues de terre. Ces sables sont si fourriers. Et voyant de grandes montures de rennes mouvantes qui marchent d'une demi-lieue devant elles et gagnent pays. L'autre témoignage de l'Antiquité auquel on veut rapporter cette découverte est dans Aristote, au moins si ce petit livret des merveilles inouïes est à lui. Il raconte là que certains Carthaginois s'étant jetés au travers de la mer Atlantique, hors le détroit de Gibraltar, et navigués longtemps, avaient découvert enfin une grande île fertile, toute revêtue de bois et arrosée de grandes et profondes rivières, fort éloignées de toute terre ferme, et que, et autres depuis, attirés par la bonté et fertilité du terroir, s'y en allèrent avec leurs femmes et enfants, et commencèrent à s'y habituer. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, firent défense expresse sur peine de mort, que nul n'eût plus à aller là, et en chassèrent ces nouveaux habitants, craignant, à ce qu'on dit, que par succession de temps, ils ne vinssent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux-mêmes et ruinassent leur état. Cette narration d'Aristote n'a non plus d'accord avec nos terres neuves. Cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage, car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent, et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prête volontiers de ce côté-là à la matière, l'allonge et l'amplifie, ou il faut un homme très fidèle, ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'ait rien épousé. Le mien était tel, et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Ainsi, je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir du privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tout autre sujet, car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d'une rivière ou d'une fontaine, qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique. De ce vice sourdent plusieurs grandes incommodités. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce que l'on en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produits. Tandis qu'à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abastardies en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve, à notre goût même, excellente à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si c'est que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et veniunt hedere sponte sua melius, surgit et in solis formosior arbutus antris, et volucres nulla dulcius arte canunt. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites ou par la nature, ou par la fortune, ou par l'art, les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore fort peu abastardies par les nôtres, mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Lycurgus et Platon ne l'aient eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré et toutes ses inventions afin d'une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se pût maintenir avec si peu d'artifices et de soudures humaines. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat, ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulles occupations coisives, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouï. Combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection? Viri adis recentes. Ros natura modos primum dedit. Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade, et m'ont assuré n'en y avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant entre deux 100 lieues ou environ d'étendue en large. Ils ont grande abondance de poissons et de chair, qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres, et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui y mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant que le pouvoir reconnaître. Leurs bâtiments sont fort lents et capables de 200 ou 300 armes, étoffés d'écorces de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le fait, à la mode d'aucune de nos granges, desquelles la couverture pend jusqu'à la terre et sert de flanc. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton, suspendu contre le toit comme ceux de nos navires, à chacun le sien, car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée, car ils ne font autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas l'or comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui boivent hors du manger. Ils boivent à plusieurs fois sur jour et d'autant. Leur breuvage est fait de quelques racines et est de la couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que 2 ou 3 jours. Il a le goût un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l'estomac, et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé. C'est une boisson très agréable à qui y est dû. Au lieu du pain, ils usent une certaine matière blanche comme du coriandre confit. J'en ai tâté. Le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes, à tout des arcs. Une partie des femmes s'amuse cependant à chauffer leur breuvage, qui est leur principal office. Il y a quelqu'un des vieillards qui, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée, en se promenant d'un bout à l'autre et redisant une même clause à plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour. Car ce sont bâtiments qui ont bien 100 pas de longueur. Il ne leur recommande que 2 choses, la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leurs femmes. Et ne faille jamais de remarquer cette obligation pour le refrain, que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée. Ils se voient en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs épées et bracelets de bois, de quoi ils couvrent leurs poignets au combat, et des grandes cannes ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur danse. Ils sont ras partout, et se font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasoir que de bois ou de pierre. Ils croient les âmes éternelles, et celles qui ont bien mérité des dieux, être logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple, ayant leur demeure aux montagnes. À leur arrivée, il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages. Chaque grange, comme je l'ai décrite, fait un village, et sont environ à 1 lieue française l'une de l'autre. Ce prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leurs devoirs. Mais toute leur science éthique ne contient que ces 2 articles, de la résolution à la guerre et affection à leurs femmes. C'est ici leur pronostic les choses à venir et les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises, des acheminent ou détournent de la guerre. Et c'est par telle-ci que où il faut à bien deviner, et s'il leur advient autrement qu'il ne leur a prédit, il est haché en 1000 pièces s'il l'attrape et condamné pour faux prophète. À cette cause, celui qui s'est une fois mécompté, on ne le voit plus. C'est don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Entre les sites, quand les devins avaient failli de rencontre, on les couchait, enforgés de pieds et de mains, sur des chariots pleins de bruyères, tirés par des bœufs, en quoi on les faisait brûler. Ceux qui manient les choses sujettes à la conduite de l'humaine suffisance sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres, qui nous viennent, pipant des assurances d'une faculté extraordinaire, qui est hors de notre connaissance, faut-il pas les punir de ce qu'ils ne maintiennent l'effet de leurs promesses et de la témérité de leur imposture? Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant, en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. C'est chose émerveillable que de la fermeté de leurs combats qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de route et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent, et on mange en commun, et on envoie des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance, et qu'ils soient ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, Ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, tant ils commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y en a en une telle action, mais oui, bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par gêne un corps plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pillaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Chrysippus et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne, à quoi que ce fût pour notre besoin, et d'en tirer de la nourriture. Comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville d'Alexia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. Vascones ut fama est, alimentis talibus usi, produxere animas. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette liberté naturelle qui les fournit, sans travail et sans peine, de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entrepellent généralement, ceux de même âge, frères, enfants, ceux qui sont au-dessous, et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette pleine possession de biens par individu, sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir, et qu'ils emportent la victoire sur eux, la quai du victorieux, c'est la gloire et l'avantage d'être demeurés maîtres en valeur et en vertu, car autrement, ils n'ont que faire des biens des vaincus, et s'en retournent à leur pays, où il n'en faut d'aucune chose nécessaire, ni faut encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leur condition et de s'en contenter. Autant en font ceux-ci à leur tour. Ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et reconnaissance d'être vaincus. Et il ne s'en trouve pas un en tout un siècle qui n'ait mieux la mort que de relâcher, ni par contenance, ni de parole, un seul point d'une grandeur de courage invincible. Il ne s'en voit aucun qui n'aime mieux être tué et mangé que de requérir seulement de ne l'être pas. Il les traite en toute liberté, afin que la vie leur soit d'autant plus chère. Et les entretiennent communément des menaces de leur mort future, des tourments qu'ils y auront à souffrir, des apprêts qu'on dresse pour cet effet, du détranchement de leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépenses. Tout cela se fait pour cette seule fin d'arracher de leur bouche quelques paroles molles ou rabaissées, ou de leur donner envie de s'enfuir, pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés et d'avoir fait force à leur constance. Car aussi, à le bien prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire. Victoria nulla est, quamque confessos animo, quoque subjugat hostes. Les Hongres, très belliqueux combattants, ne poursuivaient jadis leur pointe outre ces termes, d'avoir rendu l'ennemi à leur merci, car en ayant arraché cette confession, ils les laissaient aller sans offense, sans rançon, sauf pour le plus d'en tirer parole de ne s'armer dès lors en avant contre eux. Assez d'avantages gagnons-nous sur nos ennemis qui sont avantages empruntés, non pas nôtres. C'est la qualité d'un portefeuille, non de la vertu, d'avoir les bras et les jambes plus raides. C'est une qualité morte et corporelle que la disposition. C'est un coup de la fortune de faire brancher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil. C'est un tour d'art et de science, et qui peut tomber en une personne lâche et de néant, d'être suffisant à les crimes. L'estimation et le prix d'un homme consistent au cœur et en la volonté. C'est là où gît son vrai honneur. La vaillance, c'est la fermeté, non pas les jambes et les bras, mais du courage et de l'âme. Elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval, ni de nos armes, mais en la nôtre. Celui qui tombe obstiné en son courage, si succirit, degenu pugnat, qui pour quelque danger de la mort voisine ne relâche aucun point de son assurance, qui regarde encore, en rendant l'âme, son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse. Il est battu, non pas de nous, mais de la fortune. Il est tué, non pas vaincu. Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-t-il des pertes triomphantes à l'envie des victoires. Ni ces quatre victoires sœurs, les plus belles que le soleil ait donc vues de ses yeux, de Salamine, de Platée, de Michal, de Sicile, n'osèrent donc opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de la déconfiture du roi Léonidas et des siens au palais Thermopyle. Qui courut jamais d'une plus glorieuse envie et plus ambitieuse au gain du combat que le capitaine Iscolas à la perte? Qui plus ingénieusement et curieusement s'est assuré de son salut que lui de sa ruine? Il était commis à défendre certains passages du Péloponnèse contre les Arcadiens. Pourquoi faire, se trouvant du tout incapable, vu la nature du lieu et inégalité des forces, et se résolvant que tout ce qui se présenterait aux ennemis aurait de nécessité à y demeurer, d'autre part estimant indigne et de sa propre vertu et magnanimité, et du nom lacédémonien, de faillir à sa charge, il prit entre ces deux extrémités un moyen parti, de telle sorte. Les plus jeunes et dispos de sa troupe, il les conserva à la tuition et service de leur pays, et les y renvoya. Et avec ceux desquels le défaut était moins important, il délibéra de soutenir ce pas, et par leur mort en faire acheter aux ennemis l'entrée la plus chère qui lui serait possible, comme il advint. Car étant tantôt environné de toutes parts par les Arcadiens, après en avoir fait une grande boucherie, lui et les siens furent tout mis au fil de l'épée. Est-il quelque trophée assigné pour les vainqueurs qui ne soit mieux dû à ces vaincus? Le vrai vaincre a pour son rôle les tours, non pas le salut, et consiste l'honneur de la vertu à combattre, non à battre. Pour revenir à notre histoire, il s'en faut tant que ces prisonniers se rendent pour tout ce qu'on leur fait, qu'au rebours, pendant ces 2 ou 3 mois qu'on les garde, ils portent une contenance gaie. Ils pressent leur maître de se hâter de les mettre en cette épreuve. Ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre des batailles perdues contre les leurs. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait. Qu'ils viennent hardiment très tôt et s'assemblent pour dîner de lui. Car ils mangeront quand et quand leur père et leurs aïeux qui ont servi d'aliment et de nourriture à son corps. Ses muscles, dit-il, cette chair et ses veines, ce sont les vôtres, pauvres folles que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourants et qui représentent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour. De vrai, il ne cesse jusqu'au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenance. Sans mentir au prix de nous, voilà des hommes bien sauvages, car où il faut qu'ils le soient, bien à bon escient, ou que nous le soyons, il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. les hommes y ont plusieurs femmes, et en ont d'autant plus grand nombre qu'ils sont en meilleure réputation de vaillance. C'est une beauté remarquable en leur mariage, que la même jalousie que nos femmes ont pour nous empêcher de l'amitié et bienveillance d'autres femmes, les leurs l'ont toutes pareilles pour la leur acquérir. Étant plus soigneuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose, elles cherchent et mettent leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu'elles peuvent, d'autant que c'est un témoignage de la vertu du mari. Les nôtres crieront au miracle, ce ne l'est pas. C'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut étage. Ayant la Bible, Lia, Rachel, Sarah et les femmes de Jacob fournirent leurs belles servantes à leur mari, et Livia seconda les appétits d'Auguste à son intérêt, et la femme du roi Théotarus, Stratonique, prêta non seulement à l'usage de son mari une fort belle jeune fille de chambre qui la servait, mais en nourrit soigneusement les enfants, et leur fait épaule à succéder aux états de leur père. Et afin qu'on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leur usance, et par l'impression de l'autorité de leur ancienne coutume, sans discours et sans jugement, et pour avoir l'âme si stupide que de ne pouvoir prendre autre parti, il faut alléguer quelques traits de leur suffisance. Outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières, j'en ai une autre amoureuse qui commence en ce sens. Couleuvre, arrête-toi, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie. Ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. Or, j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique. Leur langage, au demeurant, c'est un langage doux, à qui a le son agréable, retirant aux terminaisons grecques. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, dont j'ai perdu la troisième, et en suis bien mari. Mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient au premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi. Il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondément, ils ont une façon de langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins, égorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié était mendiant à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prisent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus tirer rien qui vaille. Sur ce que je lui demandais quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi, il me dit que c'était marcher le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi? Il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela, que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, il ne porte point de haut de choses. Fin du chapitre 30.